Le Bouddha a enseigné que lorsque nous entreprenons quelque travail que ce soit dans le domaine spirituel, dans le travail du Dhamma ou dans le monde, eh bien, il est très important d'avoir une protection. C'est pourquoi quand nous entreprenons une grande œuvre, quelque chose de très important, eh bien, il est nécessaire que nous nous sentions en sécurité, que nous soyons libres de tout danger. Seulement si nous sommes en sécurité, que nous sommes libres de tout danger, pourrons-nous accomplir jusqu'à sa fin l'œuvre que nous avons commencée. C'est aussi pourquoi il est très important d'avoir une protection. En ce qui concerne donc ce travail spirituel que nous sommes en train d'entreprendre, c'est-à-dire l'entraînement à la concentration, eh bien cet aspect de protection est encore plus important. En effet, nous pouvons rencontrer de nombreux obstacles, de nombreuses difficultés qui peuvent donc empêcher la progression de notre travail. C'est pourquoi, dans ce travail spirituel qui est très subtil, eh bien, il est très important que nous puissions bénéficier de protection. Ainsi, pour ceux qui n'ont pas encore développé la concentration, eh bien, en étant protégés, ils vont pouvoir développer la concentration, samadhi. Pour ceux qui ont déjà établi la concentration, ils vont pouvoir développer le Dhamma. Et pour ceux qui ont déjà développé le Dhamma, leur Dhamma va pouvoir progresser. C'est pourquoi le Bouddha a enseigné pour protéger le méditant entreprenant ce travail spirituel, 4 méditations de protection. Donc quelles sont ces 4 méditations protectrices? La première s'appelle Buddha Nusati, la contemplation sur les vertus du Bouddha. La deuxième est Metta Bhavana, la méditation sur l'amour bienveillant. La troisième est Asubha Bhavana, la contemplation sur l'aspect repoussant du corps. La quatrième est Maranasati, la contemplation sur la mort. Alors, donc il y a donc 4 méditations protectrices. Vous souvenez-vous desquelles? Est-ce que vous vous souvenez? Donc, si vous n'arrivez pas à vous en souvenir, vous pouvez vous amuser à les compter aussi. Donc, si vous avez du mal à vous rappeler maintenant ce qu'il vient de dire maintenant, c'est tout frais. Qu'est-ce qui va se passer après, quand vous allez vous lever ou quelques heures après? Donc, Sayado dit que, donc, en effet, il est très bénéfique si vous voulez prendre des notes. Sayado, lui, il a dû étudier au moins 15 ou 20 ans pour pouvoir s'en souvenir. Donc, vous êtes libre de prendre des notes si vous voulez. Parce que Sayado dit que si vous ne prenez pas de notes, ça ne sert à rien qu'il enseigne. Donc, ainsi, quand on prend des notes par rapport au Dhamma, plus tard, on peut relire ces notes. Et quand on relit ces notes, eh bien en fait, on contemple les vertus du Dhamma. On repense encore au Dhamma. Et repenser au Dhamma fait partie d'une des contemplations qui s'appelle Dhamma Nusati, contemplation du Dhamma. À ce moment-là, quand on repense au Dhamma, à ce que l'on a écrit ou ce que l'on a compris, notre esprit s'éclaircit. Et cela est une condition pour nous aider à développer la concentration samadhi. Par exemple, quand nous récitons, quand nous chantons les vertus du Bouddha, Iti Piso, Bhagava, etc., donc nous contemplons les vertus du Bouddha. De la même façon, quand nous repensons au Dhamma, aux notes que nous avons prises, à ce que nous avons compris ou non, eh bien à ce moment-là, donc nous développons la contemplation sur le Dhamma. À ce moment-là, nous pouvons nous réjouir des points qui ont été éclaircis. Tiens, ce point-là, je l'ai compris. Il est clair. Tiens, ce point-là n'est pas clair, il faut que je l'éclaircisse. Donc, on peut ainsi chasser le doute. Et à ce moment-là, donc, on développe des actions méritoires, des actions bénéfiques. Donc, le Bouddha a expliqué qu'il y avait 3 sortes de personnes, 3 sortes de, 3 sortes d'audience. La première sorte de personnes, ils entendent ce que le Bouddha a expliqué, mais ils n'en ont rien retenu. La deuxième personne s'assoit et écoute, mais quand elle se lève également, rien ne lui reste dans l'esprit. Elle a tout oublié également. Et le vénérable donne l'exemple. C'est comme si, par exemple, on prenait sur soi un trésor, quelque chose donc que l'on garde sur la poitrine, mais quand on se lève, l'objet est lâché et donc on ne le possède plus. Il n'est plus avec nous. Quant à la troisième personne, ce qu'elle entend, ce qu'elle comprend, elle le grave vraiment très profondément dans sa mémoire, comme si elle l'avait gravé dans une pierre. Et donc, ce qu'elle a entendu, eh bien, reste très profondément dans son esprit. Elle ne l'oublie pas. Donc, parmi ces personnes, quelle sorte de personne, quelle sorte d'auditoire êtes-vous? Donc, en effet, là, durant cette semaine, nous allons entendre un enseignement tous les jours. Et donc, les bénéfices que nous pouvons développer ne sont vraiment pas, sont énormes. Il y a beaucoup de bénéfices à développer. Il semble que les yogis sont plus intéressés à se rappeler leur compte en banque, les crédits et les déficits de leur compte en banque que l'enseignement délivré ici. Donc, quelle est parmi les quatre méditations protectrices, donc quelle est la première qu'a évoquée le vénérable? Très bien, si vous avez une bonne mémoire comme ça, c'est très bien. Donc la première en effet méditation protectrice s'appelle donc Buddha Nusati, c'est la contemplation des vertus du Bouddha. Donc il se trouve en effet que dans la pratique de la méditation, on puisse être en contact, rencontrer des objets qui nous fassent peur, que ce soit en imagination, des visions, ou vraiment des sons que l'on entend, ou des choses que l'on voit, qui fassent surgir la peur en nous. Ou cela peut être également des odeurs très désagréables que nous rencontrons. Quand on rencontre ces objets terrifiants, en pratiquant Buddha Dussati, c'est-à-dire en contemplant les vertus du Bouddha, notre esprit devient pur. Notre esprit devient pur par la pureté de notre esprit. Ces états d'esprit, ces états mentaux de peur peuvent disparaître. Ils sont éliminés. Il se peut aussi que durant notre pratique, donc, grâce à la contemplation des vertus du Bouddha, eh bien, ces peurs n'apparaissent pas du tout. Ainsi, en pratiquant la contemplation sur les vertus du Bouddha, nous pouvons retirer de nombreux bénéfices. Est-ce qu'il y a parmi l'audience des personnes qui ont des fois tendance à avoir peur ou à avoir des angoisses? Des fois, en effet, il arrive que ces peurs surgissent pour on ne sait quelle raison. Des fois, quand on est dans le noir tout seul ou à l'ombre, on peut avoir peur. Des fois également, on peut se sentir un peu déprimé ou on peut se sentir un peu mal. À ce moment-là, développer la contemplation sur les vertus du Bouddha peut aider à surmonter ces états d'esprit négatifs. Donc, s'il faut parler des qualités du Bouddha, elles sont infinies. Il y en a un nombre incommensurable. C'est pourquoi, si on commençait à s'asseoir et à méditer, contempler sur les vertus du Bouddha une après l'autre, on n'en finirait pas. Il n'y aurait plus de temps pour pratiquer Vipassana. Pourquoi est-ce que vous riez? Peut-être que vous n'avez plus peur, vous êtes arrivé à cet état de sans peur, peut-être. Donc il ne s'agit même si par exemple un Bouddha contemplait les vertus d'un autre Bouddha, s'asseyait et donc prêchait les vertus d'un autre Bouddha, eh bien il faudrait également 100 ans, 200, des milliers d'années. Un Bouddha lui-même n'en finirait pas de contempler les vertus du Bouddha. Donc le vénérable demande. Pour vous, les méditants qui êtes ici, combien de vertus du Bouddha connaissez-vous et combien de temps pourriez-vous les contempler? Au bout de combien de temps auriez-vous fini? Sayado, peut-être que ça lui prendra une demi-heure ou une heure. Donc tout dépend de l'étendue de la connaissance que nous avons des vertus du Bouddha. En fait, pour pouvoir apprécier les vertus du Bouddha et les contempler, il nous faut d'abord les connaître, les comprendre. Seulement si nous pouvons donc les comprendre, nous aurons davantage de respect pour les vertus du Bouddha. Et cela sera d'un grand bénéfice pour notre vie. Par exemple, eh bien vous connaissez Namo Tassa Bhagavato, vous connaissez ensuite les neuf vertus du Bouddha, en commençant par Itipiso Bhagava, et vous connaissez également donc les vertus du Bouddha à travers le Dhamma que vous pratiquez ici. Donc en effet, vous connaissez beaucoup de choses par rapport à une personne ordinaire qui n'aurait pas pratiqué. Ainsi, plus nous connaissons, plus nous pouvons connaître les vertus du Bouddha, plus nous connaissons les vertus du Bouddha, plus nous pouvons les respecter, les apprécier. Plus nous pouvons les respecter et les apprécier, et plus nous serons contents, nous allons nous réjouir de ces vertus. Et par exemple, nous allons exprimer le désir, nous-mêmes, comme le Bouddha, d'avoir un esprit complètement pur, sans kilesa, sans impureté mentale. Ce désir d'être libéré de tous les kilesa va nous transporter, va nous encourager, et notre esprit va devenir aussi très positif. Donc, dans le petit chant que nous récitons et que vous connaissez déjà, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, il y a déjà la vertu Arahato, il y a ensuite une deuxième vertu Samma Sambuddhassa et une troisième vertu Bhagavato. Cela fait trois vertus auxquelles vous êtes déjà familier, avec lesquelles vous êtes déjà familiarisé. Le Vénérable dit, c'est seulement maintenant que vous ouvrez le bouquin. Alors, Sayado demande quelle est la traduction qui est donnée de Arahato. Donc, le Vénérable vous invite à regarder à la page 11. Et donc, dans la récitation Namo Tassa, quelle est la signification de Arahato? Est-ce que vous l'avez vu? Digne de vénération. En effet, donc selon la définition de Arahato qui signifie digne de vénération. Pourquoi le Bouddha est-il digne de vénération? C'est parce qu'il possède des qualités exceptionnelles. Il possède une moralité, sila, une samadhi, concentration, et une sagesse, panya, qui sont vraiment exceptionnelles, extraordinaires. C'est pour ça qu'il est digne de vénération. En ce qui concerne Silla, la moralité, eh bien, il y a 5 préceptes que l'on peut garder, 9 préceptes, 8 préceptes. Ici, dans le cadre de la retraite, nous gardons 9 préceptes. Et c'est seulement durant ce temps précis de la retraite que nous avons l'occasion de pouvoir garder ainsi 9 préceptes. Sinon, dans la vie quotidienne, eh bien, nous devons seulement garder 5 préceptes. Et il est parfois très difficile de pouvoir les maintenir purs. Nous devons vraiment faire de gros efforts pour pouvoir garder ces 5 préceptes intacts. En ce qui concerne le Bouddha, la sila, la moralité qu'il gardait, était vraiment exceptionnelle. Ça n'a rien à voir avec la moralité normale que nous nous efforçons de garder. Et la moralité, la sila qu'il gardait était vraiment parfaite, intacte et pure, on peut dire extraordinaire. C'est pour ça que par rapport à sa moralité, il est digne de vénération. Donc là, cela concerne les yogis ici présents, mais les personnes dans la vie courante, une personne normale a souvent même pas entendu parler des 5 préceptes, elle ne sait même pas de quoi il s'agit. Et même les paroles de Dhamma qui sont ici prononcées, beaucoup d'entre elles, beaucoup de personnes normales dans la vie quotidienne n'en ont jamais également entendu parler. Elles passent comme ça, ces personnes-là vivent leur vie humaine et après meurent sans avoir développé beaucoup de bénéfices. En ce qui concerne la concentration, la samadhi du Bouddha, il n'y a rien à dire. Il suffit pour s'imaginer la samadhi du Bouddha, penser à sa propre concentration. Comment est notre propre concentration? Souvent, on ne sait même pas quand le soulèvement de l'abdomen a eu lieu, on ne sait même pas quand il s'est abaissé. En effet, donc, par rapport à notre propre concentration, entre le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, on a des fois beaucoup de mal à discerner cela et à observer de façon continue l'objet principal. Donc, si nous essayons d'observer le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen pendant toute l'heure, cela est très difficile. Même si nous essayons pendant 5 ou 10 minutes, cela est très difficile. Et si nous arrivons donc à observer l'abdomen, moment après moment, instant après instant, pendant 5 ou 10 minutes, et si nous y arrivons, eh bien vraiment nous pouvons nous en réjouir. Aussi, nous devons vraiment nous déterminer à essayer d'observer les mouvements de l'abdomen de façon continue. Quant au Bouddha, lui, il était parfaitement accompli dans la concentration. Sa concentration était parfaite, c'est pourquoi il est digne de vénération quand on considère sa samadhi, concentration. Donc un méditant en gardant sa moralité intacte, en développant la concentration, peut ainsi purifier son esprit et développer des états mentaux positifs. Quant au Bouddha, lui, eh bien, sa connaissance était vraiment aussi parfaite. Il était parfaitement accompli dans la connaissance. Il n'y avait pas une chose qu'il ne connaissait pas qui échappait à sa sagesse omnisciente. C'est pourquoi, eu égard à sa connaissance, à sa sagesse, il était digne de vénération. Donc ainsi, si nous pouvons comprendre la vertu arahato du Bouddha, eh bien, nous pouvons ainsi réfléchir sur ses qualités, nous pouvons développer plus de respect, plus d'appréciation et ainsi pratiquer la contemplation du Bouddha. C'est pourquoi il est très important pour nous de comprendre davantage les qualités du Bouddha, d'écouter davantage d'enseignements sur ses qualités, de lire, afin de développer notre compréhension. Cela sera d'un grand bénéfice pour notre pratique. C'est pourquoi il est très important de comprendre ce que l'on récite ici. Donc nous récitons cela. Et donc si quelqu'un vous demande ensuite, eh bien, qu'as-tu fait pendant la retraite? Qu'as-tu récité? Quelle est la signification? Nous pourrons lui expliquer. De même que nous pourrons lui expliquer, cela sera d'un grand bénéfice pour lui. Et aussi, comme nous comprenons ce sens-là et que nous avons pratiqué la contemplation, ce sera un bénéfice pour nous. À la page 3, quand on récite Itipiso Bhagava Araham, eh bien, la qualité Araham accomplie, eh bien, a la même signification ou se réfère à la même vertu que celle que l'on vient d'évoquer, Arahato. Mais en fait, dans les Écritures, il y a au moins 5 définitions différentes de la vertu Araham. De la même façon, si on connaît les qualités de nos parents, si on connaît donc les belles qualités de nos parents, eh bien on peut développer encore plus de gratitude pour eux. De la même façon, donc si on connaît les qualités du Bouddha, et on peut développer un esprit empreint de gratitude pour le Bouddha. De la même façon, nos parents nous ont protégés, nos parents nous ont nourris, ils nous ont élevés. S'ils ne nous avaient pas protégés, nourris, élevés, nous n'aurions pas pu devenir de bons enfants et des adultes, de bons adultes. Donc en effet, même si nous ne pouvons pas nourrir nos parents, nous ne pouvons pas nous occuper tant de nos parents, mais si nous avons de la bienveillance pour nos parents, nous gardons un esprit de gratitude pour nos parents, ils seront contents. Pour les enfants qui peuvent exprimer leur gratitude envers leurs parents en prenant soin d'eux, en les nourrissant, en les protégeant, eh bien, retirent de grands bénéfices. Ils développent beaucoup de bonheur dans cette vie-là et également dans les vies prochaines. Et donc ainsi, en prenant soin de nos parents, en les protégeant, en les aidant, eh bien, nous allons semer des graines karmiques de sorte que plus tard, nos enfants également, en retour, prennent soin de nous également, nous aident et nous protègent. Mais le Vénérable constate malheureusement que nous sommes à une époque où les enfants ne savent plus tellement cette gratitude et ne s'occupent plus beaucoup de leurs parents. Et donc le Vénérable voudrait encourager donc ces enfants qui ont oublié la gratitude envers leurs parents, de se la rappeler et de s'occuper de leurs parents. Donc c'était juste une aparté que le Vénérable avait fait. Et donc, de la même façon que nous sommes très redevables envers nos parents, et que plus nous connaissons les vertus de nos parents, plus nous pouvons les respecter et plus nous pouvons les respecter. De la même façon, plus nous connaissons les vertus du Bouddha, plus nous pouvons les apprécier, les contempler, et donc plus nous pouvons pratiquer. Parmi donc les 5 définitions données du mot arahato, la première est que le Bouddha est complètement libre de toutes les impuretés mentales. Qu'il est ça? Le Bouddha s'est libéré à purifier complètement son esprit de toutes les kilesas, les impuretés mentales. Cela, c'est le fait de tous les arahants, les accomplis. Cependant, pour les autres arahants, bien qu'ils aient éliminé toutes les kilesas de leurs esprits, qu'il n'y ait plus d'impureté mentale, il reste ce qu'on en appelle encore des habitudes d'être. Le Bouddha, lui, a éliminé non seulement les kilesas, toutes les impuretés mentales, mais il a également éliminé en lui toute trace d'habitude d'être. Pour donner un exemple, prenons par exemple une bouteille de parfum ou une bouteille d'alcool. Le Bouddha, lui, a purifié son esprit. Complètement, il a éliminé toutes les kilesas. La bouteille de parfum ou d'alcool est complètement propre, nettoyée. Il ne reste plus d'odeur non plus. Par contre, pour les autres arahants ou bouddhas silencieux, eux également ont complètement éliminé les kilesas de leur esprit. C'est-à-dire, par exemple, donc la bouteille de parfum ou d'alcool est pure et propre également. Cependant, à la différence du Bouddha, il reste encore une trace d'odeur. Bien que la bouteille soit propre, il y a encore une odeur. Cette odeur, ce sont les habitudes d'être qui restent encore. Quant au Bouddha, il n'y a ni odeur, la bouteille est complètement propre et il n'y a plus d'odeur. Et donc le Vénérable donne l'exemple. À l'époque du Bouddha, il y avait ainsi un moine qui se promenait par le champ. Il y avait une flaque d'eau. Et au lieu de contourner la flaque d'eau, en fait, il s'est mis à sauter par-dessus. Et c'est un exemple. Pourquoi est-ce qu'au lieu de la contourner, tout simplement, il s'est mis à sauter par-dessus? C'est que dans ses vies intérieures, il avait été un singe. C'est pourquoi l'habitude de sauter lui était encore restée. Et c'est ce qu'on appelle cette habitude d'être, en fait, donc vient des vies antérieures. Et c'est ce qu'on appelle donc les habitudes d'être qui restent. Donc le Vénérable donne un autre exemple et il dit que, en effet, le Bouddha a expliqué qu'il y a vraiment différentes sortes de personnes et différentes sortes d'auditoires. Et le Vénérable pense que ce genre d'auditoire ne fait pas partie, que vous n'en faites pas partie ici. Et il y a par exemple donc plusieurs façons d'écouter un enseignement. Il y a certains qui s'appuient sur le mur et qui ferment un œil et l'autre et qui écoutent l'enseignement. Il y en a d'autres qui prennent un stylo ou un crayon et puis qui dessinent comme ça, qui gribouillent sur une feuille de papier en écoutant l'enseignement. Et donc Sayado pense que vous ne faites pas partie de ce genre de personnes. Donc le Bouddha a expliqué donc, qu'il y a différentes sortes d'auditoires, d'audiences. Donc le genre de personnes qui écoutent l'enseignement tout en s'appuyant contre le mur. Alors, le Bouddha a expliqué que dans ses vies antérieures, il était, alors, est-ce que tu connais, tu sais, c'est une espèce de taute, c'est un animal. Oui, le lézard. Comme un peu un lézard. Comme un lézard, en fait. Donc, dans sa vie antérieure, il était comme un lézard, en train de lézarder. Et donc, le deuxième type d'auditoire se réfère à des personnes, donc, qui, tout en écoutant l'enseignement, ont l'habitude de prendre avec un petit bâton ou un stylo quelque chose et de griffonner toujours comme ça sur un bout de papier. Et le Bouddha a expliqué que dans leurs vies antérieures, ils ont été pendant plusieurs vies scribes ou secrétaires. Donc en fait, cela concerne tout le monde. Chacun de nous, nous avons des habitudes particulières. Et ces habitudes ne surgissent pas, ne naissent pas du néant. Il y a des conditions, des causes qui expliquent que nous avons telle et telle préférence, telle et telle habitude d'être. Donc, par exemple, selon l'Abhidhamma, donc, il y a des explications qui sont fournies concernant cela. Et donc, parmi l'audience ici, parmi tous les yogis, est-ce que nous avons tous le même visage? Est-ce que nos visages se ressemblent? De même, si nous prenions 1000 personnes, eh bien, leur visage également serait différent. Il y aurait 1000 visages différents. Et cela est expliqué, il y a des causes à cela. Et les enfants, c'est pareil. Si on prend certains enfants, ils sont très rieurs, toujours rigolants. Ils sont de très bonne humeur. D'autres enfants ont plutôt une humeur plus morose. Et cela, donc, en fin de compte, ces différences viennent des graines karmiques qui sont présentes lors de la naissance. Et donc, le vénérable explique qu'en effet, certains ont plutôt un visage souriant, toujours à plaisanter et souriant. D'autres ont plutôt un visage plutôt morose. Mais peut-être que celui qui a un visage très souriant, eh bien, peut-être que malgré qu'il ait un visage très souriant, il peut avoir une intelligence moindre. Celui, par contre, qui arbore un visage plutôt morose, peut avoir une grande intelligence. Donc ainsi, en fait, les qualités du Bouddha sont vraiment infinies. Mais si on n'en prend qu'une seule, c'est bien suffisant pour la pratique de Buddha Nusati. Donc si on s'en tient seulement à la petite récitation Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, en récitant cela, il y a déjà trois vertus que l'on peut contempler. Et cela déjà est bien suffisant. Donc on peut ainsi réciter les vertus du Bouddha, mais en plus prendre vraiment conscience des qualités du Bouddha, de les comprendre. Quand on dit qu'il faut rendre hommage au Bouddha, il ne s'agit pas de rendre hommage à une statue inerte. Il ne s'agit pas de cela. Contempler le Bouddha ou rendre hommage du Bouddha signifie en fait contempler les vertus du Bouddha et donc insuffler ses vertus dans cette statue-là, insuffler la vie au Bouddha en mettant ces vertus-là, en contemplant ces vertus-là. Certains ne comprennent pas et voyant par exemple certains bouddhistes se prosterner devant des statues du Bouddha ou se prosterner devant des stupas, des pagodes, pensent qu'il s'agit d'une pure idolâtrie et qu'on se prosterne devant un tas de pierres. Mais en fait, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit vraiment donc d'insuffler la vie à cette statue en appliquant notre esprit aux vertus du Bouddha, en comprenant les qualités du Bouddha et donc en vraiment y mettant notre cœur. De la même façon, si l'on prend la photo de nos parents et qu'on leur rend hommage ou qu'on pense à nos parents, eh bien, il ne s'agit pas de juste regarder à la photo de nos parents en tant que papier, c'est juste du papier en soi-même, la photo. Par contre, quand on regarde cette photo-là et qu'on pense à nos parents, on pense à leurs qualités, on pense à tout ce qu'ils ont fait pour nous, et donc on pense à la gratitude que nous avons. C'est de tout cela qui se dégage quand on regarde ce papier-là. Donc c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de rendre hommage et de se prosterner devant une statue de pierre. Il ne s'agit pas de juste regarder une image du Bouddha, mais il s'agit vraiment de faire vivre les qualités du Bouddha dans notre cœur. Ainsi, si nous pouvons nous exercer à contempler les vertus du Bouddha, nous allons pouvoir surmonter les obstacles que nous rencontrons. En surmontant ainsi les difficultés et les obstacles, nous allons pouvoir ainsi créer les bonnes conditions pour que notre concentration puisse se développer. Donc le Vénérable conclut cet enseignement en nous souhaitant que nous puissions ainsi donc être protégés en développant la contemplation des vertus du Bouddha, qu'ainsi nous puissions observer chaque objet qui se présente, qu'en notant chaque objet qui se présente, nous puissions développer la concentration, qu'avec le développement de la concentration, notre sagesse puisse se développer, et qu'ainsi, avec la maturité de la sagesse, nous puissions atteindre la paix ultime de Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.